Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire, une émission qui aujourd'hui suit le cours du Nil puisque nous nous rendons en Égypte. Comme tout visiteur, nous ne sommes pas à l'abri de quelques désagréments dans un pays où le sable poussé par le vent blesse les yeux ou un mal de dents pourrait gâcher le séjour. Mais pas d'inquiétude, en Égypte pharaonique, nous disposons d'excellents médecins qui consultaient sans doute Imhotep au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Bon, pour les dents, le papyrus Ebers, un papyrus du 16e siècle avant notre ère, donne une formidable indication. Un peu de cumin, de la résine de térébinthe, un peu de plante jarrette, ça retrouve ce que c'est, le tout réduit en poudre et appliqué sur la dent, résultat garanti. Et pour soulager nos yeux, il suffit d'appliquer un remède composé de poudre de malachite et de galène, là aussi pour trouver ce que c'est. Les Égyptiens étaient sans conteste d'excellents spécialistes des yeux, même au moment des opérations délicates. Oui, sur les bords du Nil, les Égyptiens savaient passer les cataractes. Cette semaine dans le cours de l'histoire, conseil de soins venus de loin. Hippocrate ou Galien, quel médecin traitant choisir dans l'Antiquité? Et puis que nous apprend la longue histoire de la médecine chinoise? Ou encore que nous apprennent les rituels quand il s'agit de soigner les corps? Des émissions à réécouter sur le site franceculture.fr ou en podcast, la balado-diffusion. Et puis vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire pour commenter ces émissions. Soigner les corps, des médecines antiques aux rituels magiques. Aujourd'hui, parcours de soins dans l'Égypte pharaonique. Avec vous, Amandine Marshall, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en égyptologie, archéologue, vous êtes chercheur associé à la mission archéologique française de Thèbes Ouest. Amandine Marshall, vous êtes aussi la conceptrice de Toutankhatube. C'est une chaîne YouTube d'égyptologie. Vous nous expliquez le projet? Effectivement. Alors, pour l'instant, elle est en pause. J'espère bien que ça va revenir rapidement à la rentrée. Le but, c'est tout simplement, en fait, de faire découvrir l'Égypte de façon sérieuse, mais de façon complètement accessible, avec des thématiques qui peuvent être justement traitées par l'humour. Les momies égyptiennes pouvaient-elles exploser? C'est la thématique de la première vidéo, qui en fait explique de façon vraiment, donc comme je le disais, sérieuse, mais par un biais, on va dire, un peu plus ludique, qu'effectivement les momies pouvaient exploser dans certains cas. Donc c'est une chaîne qui essaye de réconcilier aussi les gens qui pensent que tout ce qui est scientifique, tout ce qui est historique, c'est ardu, c'est compliqué. Voilà, le but c'est de faire finalement aimer l'Égypte à travers des anecdotes, tout à fait ce que vous faites avec le cours de l'histoire. Merci Amandine. Et c'est vrai que l'Égypte retient l'attention du public. Nous avons vu le succès des grandes expositions Toutankhamon, entre autres. L'Égypte fascine avec une complexité systématique. Dès que nous parlons de l'Égypte antique, c'est cette durée. C'est absolument énorme. Nous sommes sur 3000 ans. Il est toujours très difficile de parler de l'Égypte en généralisant. Nous parlons aujourd'hui de la médecine. Généraliser la médecine dans l'Égypte antique, bon, nous pouvons donner des approches, mais enfin, ce n'est pas possible en soi, il y a une évolution évidente. Oui, ça c'est évident. Et vraiment, je vous remercie de poser ce point. C'est important parce que je vois bien que les gens pensent que l'Antiquité, c'est une espèce de bloc, que c'est quelque chose qui est uniforme. On parle quand même de 3000 ans. C'est comme si on disait aujourd'hui aux gens qu'on vit de la même façon qu'à l'époque de la Renaissance ou du Moyen-Âge ou même qu'à l'époque des Romains. Donc bien évidemment, il y a eu des évolutions qui se voient moins, bien sûr, par rapport à nos évolutions aujourd'hui. Mais notamment pour la médecine, on va le voir quand on parle de l'Antiquité, de la médecine en Égypte ancienne, bien évidemment, on ne soignait pas les gens de la même façon d'une période à l'autre, et bien évidemment aussi des gens de conditions différentes. Le paysan n'est pas soigné pareil que la fille de Pharaon, et on a aussi des variantes selon aussi les endroits où on va se trouver, dans le nord, dans le sud, ou tout simplement dans les oasis. Et puis toutes ces questions qui nous intéressent aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, la médecine au temps des pharaons, nécessitent d'évoquer les sources. Alors pour l'Égypte, nous avons l'image, l'idée qu'il y a énormément de sources. Nous pensons aux papyrus, nous pensons évidemment à l'archéologie, les momies, les bâtiments, tout ce qui peut être écrit en hiéroglyphes sur les murs de ces temples. Amandine Marshall, les sources qui concernent la médecine dans l'Égypte antique sont-elles aussi nombreuses qu'on pourrait l'imaginer? Pas du tout. Pas du tout. Et puis elles sont limitée elle aussi. On a donc ce qu'on appelle des papyrus médico-magiques qui donc vont traiter différentes sortes de problèmes, d'affections, de pathologies. Pour l'instant, on en a un peu moins d'une trentaine qui sont recensés sur 3000 ans. Donc, on le voit bien déjà, c'est pas énorme. Et on n'a rien avant le Moyen Empire. C'est-à-dire qu'à l'époque des pyramides, à l'Ancien Empire, entre 2600 et 2200 à peu près avant Jésus-Christ, pour l'instant, on n'a pas de témoignage écrit donc de traitement. On a des titres de médecins généralistes ou spécialisés autour du pharaon. Alors on a des titres qui sont absolument magnifiques. Hein. On a l'interprète des urines, on a le grand des médecins du ventre, on a même un médecin du palais qui est le berger de l'anus. Donc vous voyez, des titres qui sont très poétiques et évocateurs. Et en dehors donc de cette documentation écrite, c'est essentiellement les squelettes et les momies qui vont se révéler très précieuses justement pour nous dire un petit peu quelles étaient les pathologies de l'Antiquité, lesquelles étaient traitées, lesquelles justement n'étaient pas traitées. On a parfois des surprises, on le verra notamment je pense quand on abordera la partie de la dentisterie. Et on a aussi des instruments, alors des instruments qui peuvent être représentés. On a par exemple un temple à Komombo, temple du dieu Haroeris, où on a pas moins de 37 instruments médicaux qui ont été figurés. On en a aussi retrouvé quelques-uns, mais ça c'est très très rare. On a par exemple un médecin qui a été retrouvé il n'y a pas très très longtemps à Gizeh, et donc dans sa tombe, on a retrouvé quelques instruments, et dans certains, on a encore des doutes sur la façon dont ils étaient utilisés. Et plus rarement, on peut aussi trouver des attelles ou des prothèses orthopédiques notamment. Donc c'est vraiment ce qui concentre notre source de documentation sur la médecine en Égypte antique. Et dans toutes ces questions médicales, Amandine Marshall, il y a évidemment cette source incroyable qui est le corps conservé, la momie, et puis parfois, bon, évidemment, hein, le squelette lui-même, parce que toutes les momies n'ont pas été conservées ou tous les corps n'ont pas été transformés en momie. Pour l'historien, l'historienne, c'est une source incroyable, l'historien, l'historienne de la médecine, de disposer de ces corps. Est-ce que les momies révèlent beaucoup de choses sur les pratiques médicales que procédaient les Égyptiens de l'Antiquité ? Alors, les momies, mais vraiment les momies tout autant que les squelettes, parce que c'est vraiment surtout au niveau des os qu'on va avoir des informations. Donc c'est vrai que, par exemple, tout ce qui est carie dentaire, tout ce qui est abcès dentaire, on peut avoir des informations directement sur les squelettes ou à travers des scanners, des radiographies pratiquées sur les momies. L'avantage, on va dire, des momies, c'est que dans certains cas, on peut avoir des informations sur certaines maladies de peau. Donc ça, on a pu le voir. Alors, identifier une maladie de peau, c'est bien. Après, savoir exactement quelle était cette maladie, c'est déjà plus compliqué. Mais on va dire que c'est l'avantage qu'on peut avoir d'avoir des momies par rapport au squelette. Alors, nous avons ici énormément de sources diverses. Vous avez des représentations d'instruments utilisés par la médecine. Vous nous avez dit, Amandine Marshall, donc nous avons les momies. Nous avons quelques écrits également. Alors, avec cet ensemble-là, je vous propose que nous suivions un parcours santé. Alors, le parcours santé va nous conduire, eh bien, allez, on va dire avant même la naissance. Et puis, nous allons suivre la vie d'un individu en regardant les différentes étapes, les différents moments durant lesquels un médecin peut intervenir. Et pour commencer, je vous propose une lecture. La lecture d'un papyrus, dit papyrus de Berlin, lecture par Élodie Hubert, où il est question des femmes enceintes. Autre moyen de savoir si une femme enfantera ou si elle n'enfantera pas. Orge et blé amidonier que la femme humectera de son urine chaque jour, ainsi que des dattes et du sable mis dans deux sacs séparés. Si ensemble ils se développent, elle enfantera. Si seul l'orge se développe, cela signifie un garçon. Si seul le blé amidonier se développe, cela signifie une fille. S'il ne se développe pas, elle n'enfantera pas. Lecture par Élodie Hubert dans le cours de l'histoire du papyrus de Berlin. Donc voici les méthodes pour savoir si une femme est enceinte ou si une femme n'est pas enceinte. Amandine Marshall, quand vous entendez, quand vous découvrez un papyrus comme ça, quand vous l'étudiez, qu'est-ce qu'il nous apprend en fait des pratiques utilisées par les médecins de l'Antiquité égyptienne ? Alors, ces pratiques sont intéressantes parce qu'elles sont vraiment beaucoup plus ouvertes, on va dire, d'esprit que le seraient les pratiques qu'on peut avoir aujourd'hui, puisqu'en fait, elles recourent tout à la fois à la médecine et à la magie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très important à avoir en tête, c'est que le médecin en Égypte ancienne est un médecin magicien. Le médecin, son travail, c'est de soigner, c'est de guérir, c'est de combattre la maladie et de combattre la cause de la maladie qui, en général, pour l'Égyptien, est une cause surnaturelle. Donc ça peut être des revenants, ça peut être des mauvais esprits, ça peut être des démons, parfois même aussi l'activité d'un dieu. Donc qui peut être le dieu Seth, qui est le dieu du chaos, mais qui peut être en fait un dieu qui va être complètement bénéfique, mais qui peut de temps en temps en fait se manifester, par exemple, par l'intermédiaire d'un serpent. Donc le médecin va devoir en fait soigner avec des outils qui sont donc des outils que nous on va appeler aujourd'hui médicaux et des outils que l'on va appeler magiques. Donc ça c'est vraiment la première chose qu'il faut avoir en tête. Et la seconde qui est aussi une très grande différence par rapport à notre médecine actuelle, c'est que dans la plupart des cas, ce qu'il ressort en tout cas des textes médicaux magiques, c'est que le médecin est également un pharmacien. En fait, quand on a des traitements qui sont proposés, les papyrus disent, donc s'adressent directement au médecin en lui disant, voilà, tu prendras telle chose, tu le broieras, tu le mélangeras, tu le donneras, tu verras, c'est efficace. Ça, c'est vraiment important parce qu'on voit que le médecin donc, prépare sa propre mixture, ce qui donc a encore une autre différence par rapport à notre société aujourd'hui. Alors concernant en particulier ce test de grossesse, qui effectivement est assez étonnant, ce qui est absolument génial, c'est qu'on a des spécialistes qui ont essayé de reproduire ce test. Donc ils ont fait appel à des femmes qui étaient enceintes, à des femmes qui n'étaient pas enceintes, et aussi à des hommes, pour voir en fait quel était l'impact de leur urine sur des graines. Et ils se sont rendus compte que, en fait, l'urine de la femme va faire pousser et développer des plants bien mieux, de façon beaucoup plus éclatante que de l'eau, alors que l'urine d'une femme enceinte ou l'urine d'un homme ne fait pas pousser les plants, ou alors quand ils germent, ils sont atrophiés, ils meurent très très rapidement. Donc on s'est rendu compte que finalement, dans ce test de grossesse antique, il y avait vraiment un fond de vérité. Donc il est vrai que si jamais le plant pousse, la femme peut être détectée comme étant enceinte. En revanche, si ça ne pousse pas, le test n'est pas complètement fiable puisqu'on s'est rendu compte que parfois la femme pouvait être enceinte et finalement son urine ne faisait pas pousser les graines. Donc on a quand même une part assez fiable dans ce test de grossesse. Par contre, en ce qui concerne l'orientation, donc que ce sera un garçon, que ce sera une fille, là, on s'est rendu compte que c'était plutôt un jeu de mots qui était à l'origine de ces associations, sachant que le mot blé se dit it, tout comme le mot père, donc père se dit it également en égyptien, et le mot mout, la mère, assonne avec metout, qui est le germe, le blé. Donc on pense que c'est plutôt ces équivalences-là qui ont donné lieu à ces comparaisons. Mais donc tout n'est pas à jeter dans ce test. Et c'est quelque chose qui vraiment est important aussi à avoir en tête, c'est que souvent on est un petit peu méprisant, je trouve, avec cette situation antique, cette pharmacopée en disant « oui, il y a des choses qui sont farfelues ». Non, c'est pas parce que nous, aujourd'hui, on ne le comprend pas ou que notre médecine actuelle a pu déterminer que ça ne pouvait pas fonctionner, ou même au contraire que ça pouvait empirer la situation, que c'était forcément farfelu. Si les Égyptiens le faisaient, c'est qu'il y avait un but, sauf que ce but n'était peut-être pas un but si médical que ça, et que parfois c'était un but plutôt magique. Et donc effectivement, devant la magie, bon, ben, tout ce qui est raisonné ne fait pas le poids. Et vous avez raison de le souligner, Amandine Marchal, hein, l'historien, l'historienne n'est pas là pour juger, mais pour essayer de comprendre. Alors pour le test de grossesse, voilà, il y a quelque chose qui est concret, et puis qui n'a pas d'incidence, hein, faire pipi sur de l'orge ou faire pipi sur du blé, voir si ça pousse, voir si ça ne pousse pas. Après, il y a d'autres questionnements qui peuvent là avoir des incidences sur le corps, c'est tout ce qui concerne la contraception. Je crois que ici, Amandine Marchal, nous allons aller à la rencontre de crocodiles. Oui, tout à fait, et plus particulièrement de leur excrément, puisqu'on possède deux textes. Alors, ils sont lacunaires, mais on arrive quand même à avoir une bonne idée des tenants et des aboutissants de ce texte. Et donc, ce texte est à l'attention d'une femme qui ne souhaite pas être enceinte, alors pour X ou Y raison. Et donc, ce texte, en fait, préconise d'introduire dans le vagin de la femme des excréments de crocodile qui vont être, en fait, imbibés d'éléments végétaux. On n'a pas trop d'autres sources plus précises que ça. Et donc, ça, c'était censé être un contraceptif efficace pour les Égyptiens. Alors, d'un point de vue moderne, bon, déjà, on peut être un peu horrifié et puis dégoûté aussi de ce qui est proposé. Horrifié, ben, tout simplement parce qu'en faisant ça, on augmente énormément les risques pour la femme d'avoir une infection. Mais pour les Égyptiens, ça avait une signification qui était très forte et pour une raison donc magique, qui était tout simplement que le crocodile est un animal qui est associé à Sobek, donc le dieu des crocodiles, mais il est également associé au dieu Seth, qui est le dieu du chaos. Et donc le but finalement de la manœuvre était d'introduire à l'intérieur du ventre de la femme, donc par son vagin, un élément de chaos qui allait perturber le cours naturel des choses, à savoir que la femme soit enceinte. Et donc pour un Égyptien, cette raison magique vaut finalement d'autres prescriptions, on va dire, donc de type médical. Donc quelqu'un qui n'y connaît rien va se dire « Oh, pff, c'était n'importe quoi ». Non, c'est n'importe quoi pour nous, avec notre science et notre recul. Pour l'Égyptien, il y a une raison magique, et donc cette raison magique lui permettait d'être sûr et certain que ce procédé allait être efficace. Alors, on peut aussi penser que par rapport à l'odeur d'excréments de crocodile, il y avait matière à susciter quelque abstinence dans le couple. Et donc, effectivement, il pouvait y avoir une contraception un peu plus spontanée qui pouvait se faire par rapport à l'odeur du crocodile, enfin, de son excrément. Et au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a d'autres moyens contraceptifs évoqués dans l'Égypte antique, j'imagine avec du miel, avec des choses comme ça, qui peuvent aussi avoir une utilité pratique, parce que cette médecine-là naît de réflexion, donc qui nous pousse sans doute vers la magie, d'une vision du monde et d'une vision du corps qui va de pair, mais il y a aussi de l'observation concrète par l'utilisation de certaines plantes. Tout ne repose pas que sur une réflexion, il y a aussi beaucoup d'observation. Voilà, vous avez tout dit. En fait, la clé, c'est ça. Les Égyptiens observent énormément et ils se servent finalement de tout ce qu'il y a autour d'eux, donc que ce soit donc des choses concrètes, des plantes, des matières animales ou donc des rituels magiques qui donc font partie de cet univers pour soigner les personnes, donc soigner toute forme d'affection. Et justement, Amandine Marshall, les médecins égyptiens sont observés par leurs collègues de l'Antiquité. Il y a des échanges énormes autour de la Méditerranée. Hérodote évoque cette médecine égyptienne et il parle, lui, de spécialistes. Il dit que les médecins dans l'Égypte antique sont spécialisés. Alors, est-ce que nous avons des traces de cette spécialisation ailleurs que chez Hérodote ? Alors, ça, c'est vraiment un autre élément qui est important à souligner, c'est qu'Hérodote, il fait partie certes de l'Antiquité, mais on est vraiment sur l'Antiquité tardive. Et donc, ce qui se passe à l'époque d'Hérodote n'est pas forcément ce qui se passait donc plus tôt. Et donc, si à son époque, il a pu voir qu'il y avait des spécialistes, la documentation, en tout cas pour l'instant, qui nous est parvenue, ne permet pas d'arriver à cette même conclusion pour ce qu'on va appeler vraiment donc l'Égypte pharaonique, donc qui va à peu près de l'Ancien Empire, donc de l'époque des premières momies, à la fin du Nouvel Empire, ou à la limite la fin de la troisième période intermédiaire. Ce qui ressort plutôt de la documentation, c'est que, bon, déjà on a quatre finalement praticiens qui vont donc soigner les gens. On a donc ce qu'on appelle les sounous, qui sont des donc médecins magiciens qui parfois peuvent avoir des spécialités. Donc on en a certains qui effectivement peuvent être qualifiés de sounous iréti, de médecins des deux yeux, de sounous ibé, de médecins des dents. Mais ce qui ressort de la documentation, notamment par rapport au titre, c'est que on n'a jamais de spécialiste qui va exercer, alors si, peut-être dans des temps anciens, au niveau du pharaon, mais vraiment, de façon générale, dans le pays, c'est le médecin qui va soigner, qui, au fil d'expérience, au fil de certains contacts, peut développer des spécialités, mais qui, donc, ne va pas les exercer en ne faisant que ça. Au côté du sounou, on va avoir ce qu'on appelle des prêtres wab de Sermet. Sermet, c'est la déesse Lyone. Le prêtre wab, c'est tout simplement le prêtre pur. Donc ça désigne finalement la catégorie de prêtres qui vont se trouver quasiment au premier échelon de la hiérarchie des prêtres. Et ces prêtres de cette déesse, Sermet, c'est la déesse de la guerre, mais c'est aussi la déesse qui est rendue responsable des maladies, des épidémies. Donc quand il y a des problèmes, notamment des problèmes de peau, on peut se tourner vers ces prêtres qui donc vont pratiquer la magie et la médecine. On a également ce qu'on appelle les conjurateurs de Serket. Serket, c'est la déesse scorpion. Eux, ils sont spécialistes des poisons, des venins, de scorpions, bien sûr, puisqu'ils sont en rapport avec la déesse scorpion, mais aussi de serpents. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. On a retrouvé un traité d'ophiologie qui parle justement de tous les poisons, de tous les venins qu'on pouvait avoir dans l'Égypte ancienne, les symptômes donc provoqués par ces animaux venimeux, qu'est-ce qu'on pouvait faire ou pas. Et on a une dernière catégorie, alors qui pour l'instant est malheureusement encore très très mal documentée, qui est la catégorie des femmes sages. C'est vraiment comme ça qu'on les appelle, qui sont des espèces de guérisseuses. Donc c'est des femmes qui n'ont pas eu la même formation que les sunnous, que les prêtres magiciens, qui eux ont appris des choses dans ce qu'on appelle des maisons de vie, qui sont des espèces de pôles culturels avec des échanges de savoirs. On a toutes sortes de spécialités, on a l'astronomie, on a l'étude des langues, et on a aussi la médecine qui peut être donc apprise dans ces maisons de vie. Ces femmes-là, elles sont un petit peu à part. Elles ont donc acquis leur savoir en termes d'expérience, donc par l'observation, par bien sûr aussi des échanges, des discussions. Et voilà, je voudrais, parce que l'anecdote est assez intéressante, il y a quelques temps, un de mes amis, Cédric Gobeil, avec une de ses collègues, a trouvé à Deir el-Médineh, en fait, dans les réserves, une momie de femme, alors mal conservée, elle n'a plus sa tête, en dessous de ses cuisses, on n'a pas non plus la fin de son corps. Ils l'ont radiographiée, se sont rendus compte qu'elle avait pas moins de 30 tatouages au niveau du corps. Des tatouages qui, par exemple, étaient présentés en collier au niveau du cou, avec beaucoup de représentations d'amulettes, beaucoup de représentations aussi de serpents. Et vraisemblablement, là, on est sur le cas d'une femme, d'une guérisseuse, d'une femme savante, d'une prêtresse qui très certainement cumulait plusieurs fonctions. Donc des femmes qui sont beaucoup moins visibles dans la documentation, parce que la documentation, ben, ça reste une documentation d'hommes, une documentation d'élite. Ces femmes travaillaient vraisemblablement plutôt dans une sphère plus petite, dans les villages. Mais ce sont des femmes qui étaient aussi censées soigner les gens. Alors c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui prévaut donc pour l'Égypte pharaonique. À l'époque d'Hérodote, on a déjà eu beaucoup d'invasions étrangères, beaucoup donc de choses qui ont été prises de gré ou de force dans la culture, dans les pratiques. Donc toujours faire attention, c'est pas parce que un Grec, un voyageur grec, un voyageur romain nous dit quelque chose que cette chose est valable pour toute l'Égypte antique. Voilà, c'est toute l'Égypte antique, hein, faut le rappeler, ce sont des millénaires, donc on ne peut pas tout comparer. Et puis, rappeler aussi que le contact, le mélange, fait toujours naître des choses sublimes. Donc, que ce soit Hérodote qui visite l'Égypte antique, mais bien plus tard, que ce soit les Arabes quand ils arrivent en Égypte, et ce qui permet de donner des moments assez fabuleux. Je vous propose d'écouter Mozart l'Égyptien. Donc, c'est une production Duc de Courson, hein, qui sait amusé, mais intelligemment et pour le plaisir, à mélanger la musique arabe à Mozart. Vous allez reconnaître l'aria de Papageno, c'est dans la flûte enchantée. Ma bihi laibu Dann schmecken mir trinken und essen, dann könnt ich mit Fürsten mich messen. Das Leben als Freier mich freuen und wie im Elysium sein, dann könnt ich mit Fürsten mich messen. Das Leben als Freier mich France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Mozart l'Égyptien dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Inès de Bruyne. Aujourd'hui, nous sommes en Égypte à la recherche d'un bon médecin. Alors, bon, nous n'avons pas encore trouvé un bon médecin égyptien, mais nous avons trouvé Amandine Marshall, docteur en égyptologie, qui va nous guider, qui nous guide sur les traces de ces bons médecins avec, et vous avez insisté dessus, Amandine Marshall, à raison, médecine, magie, tout cela ne doit pas être jugé avec, évidemment, notre regard d'aujourd'hui. Les choses sont mêlées. J'évoquais un grand médecin, quand même, des noms sont restés. Je pense à Imhotep. Imhotep est la figure du grand médecin de l'Égypte antique. Alors, oui et non. oui, parce qu'effectivement, il va être adoré comme dieu de la médecine à partir de l'époque ptolémaïque, enfin de la basse époque d'abord et surtout de l'époque ptolémaïque. Par contre, Imhotep n'a jamais été un médecin. On n'a pas de titre à son sujet. Imhotep, il est avant tout un noble, c'est avant tout un prêtre, et c'est surtout l'architecte qui va mettre au point la première pyramide égyptienne. Donc, il va avoir l'idée. Donc d'élaborer cette nouvelle forme de tombe funéraire. Donc bon, Imhotep était beaucoup de choses. On lui a prêté l'art de la médecine, mais c'est une usurpation tardive. C'est une usurpation tardive et effectivement, cette figure d'Imhotep, ce que dit Hérodote de la médecine dans l'Égypte antique, etc., nécessite de se placer au moment où sont produites ces images, donc souvent tardivement. Et pour l'Égypte, il y a donc le travail que font les égyptologues, que font les historiens, les historiennes, les archéologues. Et puis il y a quand même le travail du décryptage de la mémoire, de la déformation de l'histoire, ce qui est aussi passionnant. Je vous propose, Amandine Marshall, d'écouter une causerie qui a été diffusée le 16 janvier 1950 à la radio française. C'était l'Université radiophonique internationale. Nous écoutons l'égyptologue Gustave Lefebvre. Les médecins égyptiens n'ont jamais pratiqué la dissection méthodique. Le seul avantage sérieux qui retirait la médecine, la coutume spéciale à l'Égypte d'embaumer les corps, ce fut d'habituer l'esprit à l'idée qu'ouvrir un cadavre n'était pas une profanation. Les Égyptiens ont, les premiers, réussi à dégager la médecine de la magie. À plus juste titre qu'Hippocrate, ils méritent le titre de père de la médecine. Pour diverses raisons, ils n'ont pas poussé à fond leurs avantages. Mais ils ont, sur plusieurs terrains, ouvert la voie à Hippocrate et rendu possible la médecine grecque. Ils ont souvent, en matière de thérapeutique, proposé des médications judicieuses. Et dans le domaine de la chirurgie osseuse, ils ont instauré une technique qu'on peut appeler scientifique. Voilà qui explique le tribut d'admiration que leur accordait l'Antiquité et auquel, après examen, nous ne pouvons que nous associer. Gustave Lefebvre, égyptologue, en janvier 1950, qui évoque les rapports entre la médecine et la magie dans l'Égypte antique. Amandine Marshall, alors aujourd'hui l'historiographie a évolué, l'histoire de l'histoire a changé. Quel regard porte-t-on sur les relations qui existent entre la médecine et la magie? Ça a changé depuis les années 1950. Oui, ça a changé parce que de toute façon, on n'a pas d'autre choix. Quand on voit tous les papyrus médico-magiques, quand on voit les traitements qui sont proposés, qui sont donc des traitements plutôt médicaux selon notre regard, plutôt magiques pour d'autres. Et donc, contrairement à ce que Monsieur Lefebvre a essayé de faire croire à son époque, non, les Égyptiens avaient complètement et totalement intégré, fusionné la magie à l'art de soigner, donc à ce que nous, aujourd'hui, on appelle la médecine. Mais c'est vrai qu'à son époque, en fait, on veut tellement montrer que la civilisation égyptienne est avancée, qu'elle est beaucoup plus avant-gardiste que bien d'autres société contemporaine, qu'on a un héritage finalement qui est très fort, ce qui est vrai, qui est très fort de l'Égypte dans notre culture aujourd'hui, que parfois on a voulu finalement faire des Égyptiens des personnes plus modernes que ce qu'elles n'étaient. Et donc, vous savez qu'en occultant la partie de la magie, qui pour lui finalement est quelque chose de comment dire, qui finalement rabaisse les Égyptiens à un autre plan, puisqu'ils sont obligés de recourir à des rituels de magie pour soigner. Donc ils préfèrent finalement distinguer l'art de la médecine égyptienne, qui donc par ailleurs effectivement est un art qui peut être reconnu comme tel, hein, on le voit bien, et dans les traités aussi dans les pratiques. Donc lui, il a essayé de dissocier les deux, justement, pour essayer d'élever, de mettre la médecine égyptienne sur un piédestal. Et bon, c'est dommage parce que déjà c'est une erreur, et puis surtout c'est ennuyeux parce que moi j'ai pu le constater notamment en faisant des recherches pour justement préparer cette émission. On a une espèce de fantasme de la médecine égyptienne qui est très très loin finalement de correspondre à la réalité. Ils ont pu être avancés sur certaines choses, mais alors ils n'étaient pas du tout pour d'autres. Par exemple, tout bêtement, au niveau des dents, on n'a aucun texte qui nous parle d'un arrachage de dents, mais d'un point de vue donc examen paléopathologique, on s'est rendu compte que les Égyptiens, alors si vraiment ils ont pratiqué un arrachage de dents, pour l'instant on ne peut pas le mettre en évidence, mais si on prend par exemple la momie de Ramsès II, et Ramsès II, mais sa dentition, elle est dans un état mais épouvantable. On a des dents qui sont à l'état de racine, d'autres qui sont très arasées, plusieurs dents qui manquent. Il y a eu des abcès dentaires à répétition. Si on lui avait enlevé, arraché des dents, il n'aurait pas eu ces souffrances qu'il a pu avoir, et c'était des souffrances terribles, parce qu'à l'époque, on n'avait absolument rien qui permettait de le soulager. Et donc Ramsès II, qui quand même avait une cour de médecins avec certaines spécialités donc autour de lui, on n'a personne qui s'est dit bah, « tiens, on va lui arracher des dents pour lui éviter certaines douleurs, pour lui éviter des caries ». Donc on voit bien qu'il y a quand même des limites à la médecine égyptienne, et c'est vraiment très très important de le rappeler. Cette médecine est étonnante. Alors c'est vrai que sans texte, parfois il est difficile, j'imagine, de comprendre un acte, de passer à côté d'une explication. C'est vrai que ce que vous nous dites sur une momie de pharaon qui a souffert des dents, mais il a dû en souffrir énormément alors qu'aucune intervention n'est pratiquée, pose problème. Dès lors, le texte, c'est vrai, est clair. Et ces textes nous ramènent toujours, en fait, à ce mélange d'observation, l'observation de l'environnement, de la nature, et puis toujours de la magie. Je vous propose la lecture d'un extrait du papyrus Brooklyn, donc ce papyrus dit hein, de Brooklyn, une lecture par Elodie Hubert. Attention, il y a des serpents. Quant au serpent Kaenam, il est de couleur de peau comparable à la couleur d'une caille, alors que sa tête est grande, son cou étroit, sa queue étant comparable à celle d'une souris. L'orifice de la blessure est comparable à un petit raisin sec. On peut sauver de son action quand 3 jours passent sur cela. Il a de la fièvre 9 jours de suite. C'est une manifestation de sobek ou de net. Quant au serpent Sédèbe, il est très exactement rouge, comme le serpent Sertef du dieu Seth. Sa face est petite, alors que son cou est étroit, et que ses 2 yeux sont comme leur piment. Celui qui a été atteint par sa morsure devient sans force, alors que son visage est en sueur. Sa blessure est gonflée, sécrétant de l'eau. Tu le sauveras. Quant au serpent Neki, il est comme une tige de lotus, alors que sa longueur est de 4 coudées et demi, 2,35 m. Le blessé perd ses forces, alors qu'il est rigide de la tête aux pieds. La fièvre due à la blessure est de 7 ou 9 jours, et il vivra. C'est une manifestation du dieu Ra. Élodie Hubert qui nous disait l'extrait d'un papyrus, un papyrus médical. Dites-nous, Amandine Marshall, c'est intéressant ce texte parce qu'ici nous avons presque une description de naturaliste hein, qui nous donne les différents types de serpents et comment les reconnaître. Et puis tout de suite se mêlent des éléments divins, c'est-à-dire que il n'est jamais possible de séparer les deux. Et ce qui nous conduit à la question des poisons parce que ce soit la piqûre du scorpion ou la morsure du serpent, les Égyptiens étaient confrontés à de terribles poisons. Tout à fait. Alors ce papyrus, c'est vrai que c'est vraiment un cadeau exceptionnel qu'on a pu donc retrouver de l'Égypte ancienne. Il est réalisé en deux parties. On a une première partie qui décrit de façon très très méticuleuse par moins de 38 animaux venimeux. Alors l'essentiel, ce sont des serpents. On a aussi des scorpions, mais on a aussi des serpents, des lézards, un caméléon. Donc qui pouvait aussi provoquer des poisons. Alors bon, plus ou moins graves. On nous donne aussi des symptômes très précis de l'enveniment donc de ces piqûres, de ces morsures, et on a une seconde partie qui donc est constituée de traitements médicaux magiques. Et donc ce traité est exceptionnel parce qu'il a été réalisé à l'attention des conjurateurs donc de la déesse Serket. Et donc ce qu'on voit, c'est que ces conjurateurs, ces prêtres, puisque donc de base ils sont quand même prêtres avant d'être médecins, ces prêtres ne se contentaient pas de formules ou de rituels magiques, ils avaient vraiment une part active dans le registre médical pour soigner le patient qui était infecté par le venin. Et alors grâce à ces précisions dans les descriptions, on peut identifier un très très grand nombre de serpents notamment. Donc par exemple, dans le texte, le serpent qui s'appelle Khemham en Égypte, c'est le mâle de la vipère persane. Le serpent Seretef, c'est l'Echis coloratus. Et le serpent Neki, c'est le cobra à cou noir. Et donc comme vous l'avez dit, ce qui est très intéressant, c'est que souvent, on se rend compte que ces serpents sont considérés comme des manifestations divines, donc de dieux qui ne veulent pas de mal aux hommes, mais donc on a quand même ces associations, et donc on va avoir leur pendant, puisqu'on peut avoir aussi des formules qui sont là finalement pour déjouer, et les textes sont clairs, ils nous disent pour déjouer l'activité d'un dieu, d'une déesse, d'un mort, d'une morte, d'un mauvais esprit. Donc le médecin doit vraiment combattre toutes ces formes-là, et donc parfois des formes divines, de finalement divinités qui sont plutôt bienveillantes en temps normal. Amandine Marshall, dans l'étude que l'on peut faire d'une autre médecine, aujourd'hui ce qui nous intéresse dans le cours de l'histoire, c'est celle de l'Égypte antique, il y a longtemps eu cette volonté de trouver le remède miracle. Comment faisaient ces médecins la panacée, quoi? En réalité, quand nous regardons en fait l'étude que l'on peut faire de cette médecine, elle nous apprend plus de la manière que les Égyptiens avaient de voir le monde, leur construction mentale, plutôt que les remèdes eux-mêmes. Et c'est en ça que l'étude de la médecine est intéressante, c'est qu'elle explique aussi la manière de se figurer le monde et plus simplement même le corps humain. Oui, tout à fait. Donc, au niveau des traitements, donc on a vraiment des traitements dont on sait. Alors, par exemple, pour la toux est provoquée par une sécrétion qui s'appelle sérite. Pour la toux, on va proposer beaucoup de médicaments qui sont à base de miel, qui sont à base de lait, à base de peau de lait. Donc, finalement, des choses dont on sait qu'assez facilement, elles vont pouvoir donc atténuer, soulager, faire disparaître cette toux. Et à l'inverse, on va avoir des traitements qui, en fait, alors ça pourrait nous étonner aujourd'hui, mais ça répond à une logique qui est la logique des Égyptiens. On va avoir des traitements qui, en fait, ne se préoccupent pas finalement tant de soigner les symptômes que de soigner la cause de la maladie. Et en fait, on pense tout simplement que si on arrive à repousser un mauvais esprit, un démon, tout simplement la maladie, et donc ces causes, ces symptômes vont disparaître. Donc dans certains cas, on pourrait, nous, aujourd'hui, se dire « Ah ben quand même, c'est un peu léger comme traitement ». Mais en fait, non, ça répond vraiment à la logique égyptienne qui est que ben, si on arrive à repousser le revenant qui cause ces problèmes, du coup, ces problèmes vont disparaître. Et donc, finalement, on n'aura plus à traiter les causes physiques des problèmes qui ont été engendrés par le revenant. Et puis, se pose la question, quand nous parlons de médecine, de la pratique et de l'étude du corps, presque de savoir ce que les Égyptiens savaient du fonctionnement du corps. Amandine Marshall, ils pratiquaient la dissection? Alors, on n'a absolument rien qui nous permette de savoir qu'ils pratiquaient. Maintenant, c'est pas parce qu'on n'a pas la documentation qu'ils ne pratiquaient pas la dissection. Il faut quand même rappeler qu'ils ont un très très gros avantage. Ils ont l'avantage de la momification. Donc ça, on ne pourra jamais le prouver parce qu'on n'aura pas de texte. Ça ne fait pas partie des choses qui sont intéressantes à mentionner, à préciser pour les Égyptiens. Mais ça me paraît évident qu'à partir du moment où on a des techniciens, des embaumeurs qui travaillent sur les corps, qu'on a eu forcément des médecins, aussi des étudiants, finalement en médecine, des étudiants de ces maisons de vie qui venaient voir un petit peu aussi comment ça se passait. Pour rappel, quand même, quand on pratique la momification, la majorité du temps, on va retirer les organes. En fait, on retire tout ce qui est à l'intérieur du corps pour justement éviter que le corps ne pourrisse de l'intérieur. Donc, on retire les poumons, on retire les intestins, on retire le foie, la rate. Donc, on pouvait voir ça de façon concrète. Parfois, il y avait des ratés. Pour les Égyptiens, il est très important que le cœur reste à sa place, mais ça pouvait arriver qu'effectivement, par erreur, on le retire du corps. Donc, en ce cas-là, on le momifiait, on le remettait à l'intérieur du corps. Et donc, il paraît évident que les Égyptiens, donc par rapport à ces échanges qu'ils ont pu avoir avec les embaumeurs, ont acquis une meilleure connaissance de l'anatomie. Et on le voit notamment au niveau des traitements qui sont proposés. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de l'intérieur du corps. Donc on propose toutes sortes de choses pour soigner des problèmes donc qui peuvent être causés par exemple par des vermines intestinales. On a toutes sortes de vers qui sont nommés. Et ces vers ne sont pas tous, en tout cas, inventés. On le voit par exemple pour des problèmes de bilharziose qui peuvent provoquer des problèmes urinaires, des problèmes de sang dans les urines. Les Égyptiens l'avaient identifié. Donc, on avait des vers qui, effectivement, étaient censés être responsables, ce qui est vrai, donc de ces dysfonctionnements et de ces dérèglements. Et donc, on avait donc toutes sortes de traitements qui étaient proposés. L'embaumement et la momification, effectivement, est une chance énorme pour les médecins. Dans le cours de l'histoire, Véronique Boudon-Milo, qui nous parlait de Galien, donc le médecin du deuxième siècle, le médecin grec, enfin de l'Empire romain du deuxième siècle, lui n'avait pas le droit de disséquer. Il profitait éventuellement d'un accident ou quelqu'un qui s'était fait éventrer pour regarder ce qu'il y avait dedans. Mais ce n'est pas du tout comme les médecins de l'Antiquité égyptienne qui, eux, vraiment peuvent voir chez un embaumeur ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et vous nous dites, oui, donc que ça change. Il y a une connaissance de ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce qu'il y a une compréhension des fonctionnements? Toujours ces réflexions autour des fluides, des liquides, parce que nous savons que ces fluides sont essentiels à la construction de la compréhension du corps, le sang comme une évidence. Est-ce que les Égyptiens avaient ces réflexions-là sur ces fluides, sur ces liquides dans le corps? Oui, tout à fait. Ils avaient notamment ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, de façon moderne, la théorie des conduits MET. Alors, en fait, ce mot MET, donc, désigne des conduits qui peuvent être des veines, qui peuvent être des artères, qui peuvent être aussi des choses qui ne sont pas visibles dans le corps. Et donc, pour donner, finalement, un exemple de ce rôle des conduits MET, il faut qu'ils soient, donc, intègres, qu'ils soient vraiment en parfait état. Et donc, on a un pronostic d'accouchement qui est fondé sur cette théorie. Donc, pour déterminer si une femme enceinte accouchera dans de bonnes conditions ou si des complications sont à prévoir, on préconisait d'introduire une gousse d'ail dans le vagin de la femme et de la laisser là toute la nuit. Si au petit jour, la femme avait un goût d'ail dans la bouche, c'était bon signe. Dans le cas contraire, donc si elle n'avait pas ce goût d'ail, ça signifiait que ses conduits étaient obstrués, donc ils avaient empêché finalement l'odeur, donc cette espèce de marqueur très très fort, donc de passer à travers les conduits d'ail, donc de son vagin jusqu'à sa bouche. Et donc dans ces cas-là, il fallait s'attendre à un problème le jour de son accouchement. Donc ces conduits mètres sont très importants, on les retrouve pour toutes sortes de problèmes de traitement. Et donc vous voyez, même pour déterminer si l'accouchement à venir sera bon ou mauvais. Et donc il y a aussi cette évidence d'une logique globale du fonctionnement du corps, alors erronée sans doute sur certains points bien sûr, mais malgré tout qui pour les Égyptiens et même au-delà était cohérente, logique, et ce qui explique que l'on puisse se poser cette question, la médecine égyptienne était-elle très avancée? C'est la question que posait Jean-Marie Cavada dans La Marche du siècle en 1997. Il la posait à Jim Ritter, physicien, professeur de mathématiques et spécialiste des sciences de l'Égypte ancienne. Dans une autre discipline, la médecine égyptienne, par exemple, était-elle très, très avancée? Certainement très structurée, certainement très sophistiquée. Avancé, si par avancé vous voulez dire efficace, bon, ça c'est une autre question. C'est-à-dire une médecine qui n'arrive pas à, je dirais, soigner le corps humain dans le sens éventuellement de prolonger la vie ou d'alléger les douleurs, ou de réparer des membres cassés. En effet, alors elle est inefficace. Est-ce que quelques-unes de ces conditions fonctionnaient dans la médecine égyptienne? Vous savez, c'est très difficile à juger. Le problème que nous avons face à nos textes médicaux égyptiens, c'est que c'est presque impossible de distinguer, d'identifier la maladie, et si on identifie la maladie en question, d'identifier les composantes qui sont utilisées pour guérir cette maladie. Y avait-il des pratiques chirurgicales dans cette Égypte et lesquelles? Chirurgicales, oui, c'est-à-dire on utilisait le couteau pour couper la peau, pour travailler dans une manière superficielle sur le corps. Il n'y avait pas de chirurgie profonde comme chez nous. Jim Ritter, dans La Marche du siècle en 1997, qui évoquait la chirurgie, l'état de la chirurgie dans l'Égypte antique. Dites-nous, Amandine Marshall, alors ces Égyptiens étaient-ils de bons chirurgiens? Parce que par les corps qu'on a pu trouver sous forme de momies ou sous forme de squelettes, on peut voir des traces de chirurgie. Alors est-ce qu'il y avait beaucoup de chirurgie? Alors, il y en avait, peut-être pas autant que ce que on aurait pu le penser. Après, c'est pareil, vous l'avez vraiment dit en introduction de l'émission, il faut faire attention. L'Antiquité, c'est pas un bloc de 3000 ans immuable. Vous avez parlé de la cataracte. Alors oui, la cataracte était connue. Par contre, la première opération vraiment attestée, elle date de l'époque ptolémaïque. On est entre 330 et 30 à peu près avant Jésus-Christ. Donc, on est vraiment sur la toute fin de l'Antiquité égyptienne. Et pour l'instant, on a aucune preuve qu'ils aient pratiqué ce type d'opération auparavant. Quand on évoquait les dents, donc voilà, un arrachage tout simple de dents, ils ne pratiquaient pas. Pour des opérations donc plus lourdes, comme par exemple les trépanations, les amputations, elles ne sont pas évoquées dans les textes. La documentation anthropologique peine à les mettre en évidence. Par exemple, pour la trépanation, pour l'instant, on n'a aucun exemple attesté de façon sûre. Pour les amputations, par contre, on a des témoignages, notamment dans des tombes à Thèbes, Deir el-Bershah en Moyenne Égypte, des amputations qui ont été réussies, puisqu'on voit des cicatrisations au niveau de l'os, au niveau de la peau. Et on voit aussi qu'au niveau des fractures, ils n'étaient quand même pas trop mauvais, et ce, dès l'époque des pyramides. On s'est rendu compte, en étudiant les corps des ouvriers qui avaient aidé à bâtir les pyramides de Gizeh, notamment la très grande pyramide de Khéops, on s'est rendu compte alors de deux choses absolument hallucinantes, c'est que quasiment la moitié, 44% des squelettes étudiés montraient au moins une trace de fracture. Donc quasiment la moitié des ouvriers ont eu donc des problèmes assez sérieux donc au niveau des os au moins une fois dans leur vie. Et ce qui est absolument étonnant et qui est génial, c'est que 90% des fractures qui ont été traitées vraiment de façon réussie, puisque on voit que les os se sont vraiment bien remis en place et que la personne donc non seulement a survécu à ces fractures, mais qu'elle a pu donc par la suite réutiliser de façon à peu près correcte les membres qui avaient été fracturés. Et puis, se pose la question des prothèses, parce que là aussi, l'archéologie permet de compléter notre savoir sur la médecine de l'Égypte antique avec ses prothèses. Il y avait des prothèses. Alors, il y a des prothèses. Si on parle, pardon, de prothèses orthopédiques, pour l'instant, la documentation en a mis au jour 3. Donc, vous voyez, 3, c'est vraiment pas énorme. C'est plutôt donc l'exception que la règle. 3 qui sont tardives. On pense que une d'entre elles datées du Nouvel Empire, donc vraiment déjà on est sur la fin, on est à peu près 1540 et 1080 à peu près avant Jésus-Christ, et donc on n'est pas encore sûr de la date, peut-être qu'elle est un peu plus récente. Les deux autres datent de la troisième période intermédiaire, donc à peu près entre 1080 et 740 avant Jésus-Christ. Des prothèses qui sont toutes les trois très différentes. Et alors, ce qui est génial, c'est que on a une universitaire de Manchester qui en a fait des répliques et qui les a fait tester à des patients amputés du gros orteil. Et dans les trois cas, l'expérience a prouvé leur efficacité. Donc, pas beaucoup de prothèses et cas plutôt exceptionnels, mais qui donc ont tendance quand même à montrer que les Égyptiens ont pu donc pallier dans certains cas à des problèmes justement de marche ou d'amputation. En ce qui concerne des prothèses dentaires, puisque donc parfois on a des articles qui en parlent, alors pour l'instant on en a deux cas, donc on a deux possibles attestations, et en fait les deux posent problème, tout simplement pourquoi ? Parce qu'en fait les deux n'ont pas été trouvées en bouche, elles ont été trouvées en dehors, et Donc, ce qui déjà permet de se demander si vraiment elles ont été utilisées du vivant de la personne ou si elles ont été réalisées pour que le corps soit le plus complet possible. Mais bon, dans les deux cas, ça ne résout pas la question de pourquoi on les a trouvées en dehors de la bouche du défunt. Donc, dans la première, qui date de l'Ancien Empire, se présente sous la forme de deux molaires qui ont été attachées ensemble grâce à un fil d'or. Et la seconde se présente sous la forme de deux incisives et d'une canine qui ont été attachées ensemble, sachant que la dent du milieu a été carrément perforée par le fil d'or. Donc, il n'est mieux pas que la dent soit saine, sinon ça pouvait provoquer des douleurs absolument terribles. Et donc, dans ces deux cas, on a ce qui effectivement pourrait ressembler à des bridges antiques, sauf que rien pour l'instant ne permet d'être sûr et certain que vraiment elles ont été utilisées pour aider une personne donc à mieux manger notamment. Amandine Marshall, quand vous dites pour l'instant, c'est aussi cela qui nous fait rêver dès qu'il s'agit de périodes lointaines d'antiquité, parce que tout est à découvrir encore, hein. Les recherches se complètent année après année. Et donc pour la médecine antique, il y a encore énormément de choses à trouver. Mais merci beaucoup à vous de nous avoir offert ce panorama sur la médecine des pharaons avec ce rappel. Et oui, 3000 ans d'histoire ne se réduit pas en certaines évidences. Tout demande d'être contextualisé. Merci beaucoup Amandine Marshall. Merci à vous. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne Toscan-Diudès, Marion Dupont, Camille André, Camille Rijade, une émission dont la programmation est assurée par Amélie Perrault. La semaine prochaine, nous partons à la rencontre de grandes figures du monde de la culture qui sont restées confinées dans leur musée. Oui, James Tissot à Orsay, Raphaël à Chantilly, le folklore à Metz et le peintre Jean-Marie Delaperche à Orléans. Le cours de l'histoire s'intéresse à ces expositions où tout était prêt, où les œuvres étaient accrochées, mais hélas, qui n'ont pas pu être visitées, ou en tout cas qui ont été fortement perturbés. À la semaine prochaine.